Dialogue, une recette de confiture à l'orange. Écoutez. Tu veux bien me donner ta recette de confiture à l'orange? Bien sûr. Tu verras, c'est très simple. Tu laves 2 kg d'oranges bien juteuses, sanguines de préférence. Tu les piques avec une fourchette et tu les mets à tremper dans un récipient plein d'eau pendant 12 heures. Avant que je les mette à tremper, je les épluche? Non, tu les mets à tremper avec leur écorce. Tu les essuies, tu enlèves la peau et tu gardes la peau de 3 oranges. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Tu les coupes très finement et tu les mets à cuire 3 ou 4 minutes dans de l'eau bouillante. Si peu de temps! Ma mère faisait cuire ses confitures une éternité. Mais je te parle seulement des écorces. Les oranges, tu les coupes en rondelles, en enlevant bien les pépins. Tu les pèses et tu ajoutes leur poids en sucre. Leur poids en sucre avant qu'elles aient été épluchées? Non, leur poids après qu'elles ont été épluchées. Tu fais cuire une demi-heure à feu doux, en remuant sans arrêt. Tu ajoutes alors les écorces et tu fais cuire à nouveau 2 ou 3 minutes. Ça n'a pas l'air sorcier. Répétez. Tu veux bien me donner ta recette de confiture à l'orange? Bien sûr. Tu verras, c'est très simple. Tu laves 2 kg d'oranges bien juteuses, sanguines de préférence. Tu les piques avec une fourchette et tu les mets à tremper dans un récipient plein d'eau pendant 12 heures. Avant que je les mette à tremper, je les épluche? Non, tu les mets à tremper avec leur écorce. Tu les essuies, tu enlèves la peau et tu gardes la peau de 3 oranges. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Tu les coupes très finement et tu les mets à cuire 3 ou 4 minutes dans de l'eau bouillante. Si peu de temps! Ma mère faisait cuire ses confitures une éternité. Mais je te parle seulement des écorces. Les oranges, tu les coupes en rondelles, en enlevant bien les pépins. Tu les pèses et tu ajoutes leur poids en sucre. Leur poids en sucre avant qu'elles aient été épluchées? Non, leur poids après qu'elles ont été épluchées. Tu fais cuire une demi-heure à feu doux, en remuant sans arrêt. Tu ajoutes alors les écorces et tu fais cuire à nouveau 2 ou 3 minutes. Ça n'a pas l'air sorcier.